Merci de nous rester fidèles. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grands titres. Début ce mercredi de la campagne de retrait des produits périmés des étalages par le Bureau burundais de normalisation, un bureau qui a 4 agents pour la certification sur un besoin de 200. Les commerçants et vendeurs du marché de Muyinga disposent de 4 mois pour apurer les arriérés de location des stands, précise le commissaire général de l'Office burundais des recettes, OBR. Et le club burundais de basketball Dynamo a perdu sa participation dans la Basketball Africa League saison 2024. Dans cette édition, vous aurez l'analyse d'un chercheur en éducation physique et sport. Bonsoir et bienvenue. Les détails, c'est dans cette édition mise en onde par Patrick Izonderer. Encore une fois, bienvenue. Le club burundais de basketball Dynamo a perdu sa participation dans la compétition de la Basketball Africa League, comptant pour la saison 2024, une décision prise par le président de la Basketball Africa League mardi, après que ce club ait été déclaré 2 fois forfait pour avoir refusé de porter le logo du sponsor officiel de cette compétition, Visit Rwanda. Le club Dynamo devrait affronter ce mardi le club Petro de Luanda de l'Angola. Sur ce, un club qui participe dans un tournoi a le droit de savoir à l'avance le règlement du dit tournoi. L'analyse est du chercheur en éducation physique et sport, Célestin Vutsebanga, qui explique que la question des uniformes et maillots est aussi précisée. À défaut, il estime que le club a raison de ne pas porter un maillot donné. Suivez. D'une façon générale, dans tous les sports, quand il y a une organisation d'une compétition, d'un tournoi, il doit y avoir un règlement de compétition. Et ce règlement doit être distribué bien même avant la compétition. Et les équipes participantes doivent être au courant de ce règlement. Et s'il s'agit même d'un point qui ne les favorise pas, les participants peuvent signaler aux organisateurs qu'il y a un point de discorde où peut-être les organisateurs sont censés ou sont appelés à rectifier ou à changer, mais pour l'intérêt effectivement de la compétition. Je crois que dans ce cas, pour le cas de Dynamo, bien avant le règlement, ils ont relu effectivement le règlement et qui est peut-être, voilà, s'ils ont été un peu distraits pour ne pas le lire à fond, c'est que les conséquences, c'est que quand ils arrivent là-bas, ils se réveillent, il y a quelques points au niveau des règlements à qui ne les favorisent pas, et comme ça, ils commencent aux réclamations. Il faut voir alors ces réclamations, et s'ils sont récits ou pas, et surtout quand les organisateurs de leur côté ne se soucient pas de rien, ou c'est une réclamation particulière pour une équipe. Les organisateurs jugent si ces réclamations peuvent être récits ou pas. Et surtout que ce sont des réclamations qui se passent directement au moment de la compétition ou au moment où tout le monde s'est engagé à la compétition. Et c'est ça ce qui générait même l'équipe Dynamo, puisque tous les autres participants ont respecté effectivement le règlement, sauf Dynamo qui a réclamé effectivement à l'accoutrement d'habillement où il y a le label Visit Rwanda. Et s'agissant d'un club qui se retire d'une compétition, il indique que les sanctions sont prises à l'encontre du club concerné, de la fédération du sport concerné, du pays en général. Il parle notamment des amendes et de la suspension dans le tournoi concerné pour une durée déterminée. Suivez-le encore une fois. Les conséquences concernent surtout la jeunesse burundaise, mais aussi côté financier pour l'équipe, mais aussi pour la fédé, et au plus loin pour le pays. Alors, premièrement, c'est que la jeunesse burundaise qui joue au basket sera démoralisée d'une façon ou d'une autre, d'une façon psychologique, l'engouement qu'ils auraient pour le judo basket, ça va diminuer, pas seulement au niveau du club Dynamo, mais aussi dans d'autres équipes. Ici, l'équipe Dynamo est suspendue pour un certain moment. Et ça va normalement constituer un barrage pour la performance des jeunes Burundais au niveau du basket. Notre conséquence, c'est au niveau des officiels, si l'équipe ou la fédé sont suspendues, puisque leurs entraîneurs n'évoluent pas sur le plan international, leurs arbitres ou autres officiels n'évoluent pas sur le plan international, ils seront restés ici au Burundi. Conséquence plus grave aussi sur les moyens financiers. Étant donné que aussi ces équipes n'ont pas aussi de moyens financiers et qu'il s'ajoute effectivement des sanctions lourdes, si on tient compte effectivement de ce qu'on a déjà parlé des amendes qu'ils doivent normalement payer, c'est énorme pour une équipe, pour une fédération. Et ça doit aussi se répercuter sur le gouvernement. Si ils n'honorent pas effectivement l'engagement de payer ça, c'est-à-dire que d'autres sanctions peuvent aussi surgir et qui s'ajoutent effectivement au non-respect même des premières sanctions. Célestin Mvutsebanga, chercheur en éducation physique et sport, dont les propos ont été recueillis par Jean de Dieu Irakoze. La mésentente plane toujours entre l'usine Boisson Imena Somosubi, les six chefs-lieux de la province de Kayanza, et une centaine de ses employés envoyés en chômage suite à la crise économique dans cette usine. Le gouverneur de la province de Kayanza a tenté de désamorcer la crise. Cela fait un mois, mais il n'y a pas eu de consensus entre les deux parties. Ces employés mis en chômage sont appelés par Rémi Tshishayo à saisir la justice et à l'usine de ne pas embaucher d'autres employés en remplacement de ceux qui sont en chômage, les détails avec Évariste Nzikobanyang. Byatangiye itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi na rimwe mu mwaka uheze wa 2023. Naho twebwe nk'abakozi twazinduka dutonda. Tout commence en date du 1er novembre, l'année 2023, selon ses employés de cette usine à boissons dite Imena Somusubire. Ces 117 employés en chômage aujourd'hui disent que les autorités de cette usine leur avaient expliqué que cette dernière était en souffrance économique. Mais aujourd'hui, ces employés disent ne pas comprendre pourquoi les indemnités promises n'ont pas été dues. Le social est là, va téléphoner, va la mouquer à l'école, les 60%. Le conseil social les a téléphonés et ont promis le paiement mensuel de 60% sur le salaire. Mais la promesse n'a pas été tenue. On ne nous a fait que 30%. Celui qui a le crédit à la banque, ne lui reste rien. Moi, par exemple, ma situation est d'au moins de 20 000 car je dois rembourser 51 000 francs. Autre chose choquante, selon ces employés en chômage économique, est que cette usine qui les a licenciés sans préavis est en train de procéder à leur remplacement. Moi, je suis pas d'accord que l'usine est en faillite. Mon attaque cette dernière est en train de procéder à notre remplacement. Raison pour laquelle cette usine n'est pas en difficulté financière. Pour ça, ils demandent des indemnités de licenciement si l'employeur ne compte pas les embaucher de nouveau. Appel qui ne trouve pas d'assentiment du côté des responsables de l'usine à boissons Imena Somosubire. Évariste Ngaïmore, son directeur général, explique que le licenciement de la centaine d'employés a été conforme à la loi. Les bases légales en ce qui est indemnité de licenciement sont claires. Nous avons appliqué la loi en ce qui est licenciement pour cause économique. Celui qui n'a pas été satisfait n'a qu'à saisir la justice. Après un mois de dialogue entre les deux parties, dialogue enclenché par le gouverneur de Kayanza, il n'y a pas eu de consensus. Rémi Tshishayo appelle à la poursuite du dialogue avant de saisir les juridictions compétentes. Éviter les chicaneries et veiller lire le prescrit de la loi. Je pense qu'en première lieu, il faut mettre en avant le dialogue avant de saisir la justice comme dernier recours. Au moment où les employés de Imena, mis en chômage, pointent du doigt cette usine qu'elle a déjà procédé à leur remplacement, le gouverneur de Kayanza demande aux responsables de cette usine d'arrêter cette procédure en attendant une solution durable à ce problème. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 18h11 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Les produits commercialisés comme l'eau, les boissons alcoolisées, les jus et le lait non certifiés et périmés ont été retirés du marché dans certaines alimentations de la capitale ce mercredi. C'était lors du lancement des activités de retrait de ces produits périmés. Un lancement des activités qui vont être effectuées dans tout le pays par le bureau burundais de normalisation. Le directeur général de ce bureau déplore cependant un manque de personnel qualifié pour la certification. Un bureau qui dispose de 4 agents, soit un besoin de plus de 200. Un des commerçants demande à ce bureau de sensibiliser les producteurs locaux quant à l'importance de la certification de leurs produits. Le point avec Sheila Irambona. Au cours de cette descente effectuée par le Bureau burundais de normalisation et contrôle de qualité BBN, beaucoup de produits, que ce soit les jus, les boissons alcoolisées et le lait périmé, ont été saisis par les agents de ce bureau. Autre fait qui s'est remarqué, c'est que beaucoup de produits fabriqués localement ont été mis sur le marché sans la certification de la BBN, à l'instar des farines utilisées pour la bouillie. Le directeur général du BBN indique que le fait que ce bureau dispose de peu de personnel fait qu'il y ait des gens mal intentionnés qui profitent de la situation et violent la loi. À propos de cette certification qui doit être délivrée par le BBN, un des commerçants a demandé à ce que ce bureau sensibilise les producteurs locaux quant à l'importance de cette certification. Au directeur général du BBN de rassurer qu'avec la nouvelle stratégie de modernisation, que ce problème pourra être résolu. Ce bureau dispose de 4 employés chargés de la certification sur 227 employés dont ce bureau a besoin, selon les informations tirées du BBN. Sheila Irambona, je vous l'avais annoncé en titre, relance ce mercredi au marché de Muying du processus de signature des contrats de location des stands dans les marchés construits par l'État. Jean-Claude Manirakiza, commissaire général de l'Office burundais des recettes OBR, accorde un délai de 4 mois pour vider les arriérés de location. On l'écoute. Il y a une nouvelle ordonnance ministérielle conjointe signée par le ministre des Finances et le ministre de l'Intérieur qui revoyait les loyers à payer mensuellement où on doit payer les loyers qui devaient être payés jusqu'au juin 2023 multipliés par 2, c'est-à-dire une partie sera reçue par les commis tandis qu'une autre partie sera versée au compte général du Trésor. Donc la nouveauté d'abord c'est la diminution de ces loyers. L'autre nouveauté c'est la façon de payer. On remarquait qu'il y avait une complication au niveau des commerçants qui devaient d'abord s'orienter au niveau des banques pour le paiement des loyers et après s'orienter à l'auberge pour l'acquisition des quittances. Pour le moment, avec la digitalisation, ils vont utiliser un paiement électronique qui va lui permettre de récupérer le temps et de ne pas abandonner les activités quotidiennes. La sous-location telle qu'elle a été décidée dans l'ordonnance conjointe dont je viens de vous parler, elle est illégale, mais d'une façon très sociale, l'ordonnance désignait une commission par commune qui devait analyser réellement qui est le commerçant pour que celui qui puisse avoir l'autorisation ou l'habilitation de pouvoir faire le commerce dans les stands et les shops conçus par l'État et les autres partenaires. Il y a ceux qui ont continué à payer et ceux qui n'ont pas payé. Ceux qui ont déjà payé, c'était des montants un peu élevés. Le gouvernement a été obligé de réduire. Ceux-là, on va les retourner, tous ceux qu'ils ont payé, pour le payer, qui est le double décidé dans la dernière ordonnance d'application. Ceux qui n'ont pas encore payé, ils ont un délai de 4 mois, c'est-à-dire jusqu'à fin juin 2024, pour pouvoir régulariser tous les impayés. Jean-Claude Manirakiza, commissaire général de l'Office burundais des recettes OBR. Les habitants et administrations à la base du quartier Boutere les 2B demandent d'être réalimentés en électricité après plus d'une semaine de coupures. Ils indiquent que les activités nécessitant du courant électrique sont au point mort et pensent que le gros du problème serait lié au raccordement de plusieurs compteurs sur un seul transformateur implanté dans ce quartier. Suivez l'un des élus de ce quartier. La semaine passée, c'était jeudi, lorsqu'on a vu un scandale. Il y avait une panne là-bas, la transfo à la 10e avenue. Nous avons vu cette vers 18h, ce transfo est en train d'oublier. On a appelé le personnel de la régie des eaux. On lui avait dit qu'il peut couper l'électricité pour ne pas abîmer beaucoup de choses. Nous avons un espoir parce que nous, à chaque fois, nous demandons pour le personnel de la régie des eaux pour qu'il puisse être présent pour voir cette panne et nous dit qu'il va venir, alors nous attendons. Vous voyez nos jeunes, à chaque fois ils se lamentent. Et d'ailleurs c'est vrai, parce que parmi nous et moi, chez moi, il n'y a pas d'électricité. On a déjà constaté des dégâts, mais au départ, parce que si on avait vu, il y avait ça, le courant sur arrivé, il y a à chaque fois, il s'éteint. Et puis on a demandé aux populations qu'ils éteignent, donc qu'ils coupent dans ces compteurs pour que beaucoup d'autres choses ne se perdent pas. Mais il y a des appareils qui sont déjà abîmés. Je demande à Jules des autres pour qu'il fasse rapidement, pour qu'on puisse continuer nos activités, parce que beaucoup entre nous utilisons cette électricité pour avoir nos activités. Une brève sportive en international avant de suivre la chronique par le Rassure-moi de ce mercredi. Les victoires des clubs FC Barcelone d'Espagne et Arsenal d'Angleterre à la nuit de ce mardi ont aidé ces clubs de se qualifier pour la phase des quarts de finale de la Ligue des champions d'Europe sur la pelouse du stade Camp Nou en Espagne. Barcelone a battu le club Naples d'Italie par un score de 3-1 et le match aller en Italie s'était soldé à une équation d'un but partout sur le terrain à Emirates Stadium en Angleterre. L'OFC Porto de Portugal s'est incliné face aux Gunners d'Arsenal dans la séance des tirs au but, 4-2. C'est après une victoire d'un but à 0 en faveur d'Arsenal au temps réglementaire. Avant cette rencontre, l'OFC Porto était devant suite au capital d'un but qu'il avait marqué à domicile lors du match aller. Ce mercredi, l'Atlético Madrid d'Espagne accueille l'Inter Milan d'Italie et PSV Eindhoven du Pays-Bas et l'invité de Borussia Dortmund d'Allemagne. Tout de suite, la chronique parle, rassure-moi. Parle, rassure-moi. Le rôle des leaders politiques dans la lutte contre les messages de haine est d'une importance capitale en influençant les membres de ces partis à s'abstenir de tout discours de haine. Témoignage de certains habitants de la commune Butaganzo en province Ruyigui, membres de différents partis et politiques qui disent que la situation a changé depuis qu'ils ont été sensibilisés. L'administration communale de Butaganzo apprécie positivement et indique que cela rassemble les communautés. La chronique avec Ornella Mucho. Les responsables politiques ont le devoir de s'abstenir de tout discours de haine à travers leurs messages. Propos du secrétaire général du parti au pouvoir, Evelyn Dicurio, c'était lors d'une conférence de presse organisée dernièrement par ce parti, tout en précisant que cela vise l'unification de tous les Burundais et surtout à dépasser les divisions d'une société post-conflit. Nous devons changer notre façon de communiquer pour atténuer les effets de discours haineux dans le but d'éradiquer ce phénomène. Nous avons déjà organisé des formations à l'endroit de tous les responsables, une formation dispensée par les professeurs d'université, experts en communication non violente, pour être sensibilisés sur le discours adéquat, rassembleur, à utiliser pour les leaders et cela a facilité la communication entre différents membres des partis politiques. Un des jeunes de la commune Butaganzwa de la province Ruyigi, membre d'un parti politique, affirme que grâce au discours rassembleur utilisé aujourd'hui par les leaders politiques, un impact positif est déjà visible comparativement aux années antérieures. En bref, il y a les jeux mieux. Lorsqu'on écoute la radio, les discours des leaders politiques se rassemblent et interpellent les jeunes de différents partis politiques à coopérer. Avant, il y avait des jeunes qui se croyaient être au-dessus de tout le monde et qui se prenaient comme dirigeants de ce pays. Ils ne voulaient pas qu'un autre jeune de l'idéologie politique intervienne ou donne son avis. Sinon, ça lui coûtait cher. Il y avait même des expressions qui étaient utilisées pour terroriser ou discriminer les autres,